Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Histoire de l'opérette, des opérettes et des familles de musiciens ou des gens de théâtre. Rediffusion d'une émission festive proposée pour la première fois sur France Culture le 12 août 1986. L'opérette, c'est la fête, par Jacques Rouchouze. Je suis gay, soyez gay, il le faut, je le veux. Je suis gay, soyez gay, il le faut, je le veux. Vous savez qu'à Bordeaux, on fait les affaires en famille. Il en est de même pour la musique. Nous écoutions hier André et Thierry Dran, le père et le fils. Nous allons entendre tout à l'heure la mère, Monique de Pondeau. Mais comme les hommes sont partis, désertant notre plateau, voici un document. Une vieille chanson chantée par André Dran, le déserteur. Nous retrouverons Monique de Pondeau après. Je me suis engagé pour l'amour du blonde, je me suis engagé pour l'amour d'une blonde. C'est pas pour un baiser qu'elle m'a refusé, mais c'est pour l'anneau d'or qu'elle me refuse encore. Dans mon chemin faisant, je rencontre un capitaine. Dans mon chemin faisant, je rencontre un capitaine. Mon capitaine me dit, où vas-tu sans souci? Je vas dans ce vallon, rejoindre mon bataillon. Soldat, t'as du chagrin pour l'amour de ta blonde. Soldat, t'as du chagrin pour l'amour de ta blonde. Elle n'est pas digne de toi, la preuve est à mon doigt. Tu vois bien clairement que je suis son amant. Au premier coup portant, j'ai tué mon capitaine. Au premier coup portant, j'ai tué mon capitaine. Mon capitaine est mort, et moi je vis encore. Hélas, avant 3 jours, ce sera à mon tour. Celui qui me tuera, ce sera mon camarade. Celui qui me tuera, ce sera mon camarade. Il me bandera les yeux avec un mouchoir bleu et me fera mourir sans me faire souffrir. Soldat de mon pays, ne le dis point à ma mère. Soldat de mon pays, ne le dis point à ma mère. Mais dites-lui plutôt que je suis à Bordeaux, prisonnier des Anglais, qu'elle me reverra jamais. Thank you. Monique de Pondeau, il y a 10 ans, vous chantiez Lisa du Pays du Sourire au Théâtre du Châtelet à Paris. Et vous n'étiez pas, à proprement parler, une chanteuse d'opérette. Alors qu'est-ce que vous avez retiré de cette expérience ? Ce n'était pas d'abord ma première opérette, parce que j'avais chanté d'autres opérettes avant d'aller au Châtelet, entre deux périodes d'opéra et d'opéra comique. L'expérience du Châtelet m'a fait plaisir, d'abord parce que j'avais fait avant Valse de Vienne au Châtelet, juste un an avant. Mais ça m'a fait plaisir parce que d'abord c'est un grand théâtre le Châtelet et que j'adore l'opérette. Alors j'adore. Alors moi, on me fait chanter de l'opérette, je suis très heureuse. Et puis Lisa est un rôle vocal. Oui. C'est un rôle très dur. Alors j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Mais est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière ? Oui. C'est le bordelais Louis Betz, qui était directeur de l'opéra comique, qui vous avait fait débuter dans Michaela de Carmen. Oui. Comment était-il, Louis Betz ? Oh là là. Ah bon ? Oh là là. J'en tremble encore. Non. Il était très sévère. Mais c'était un homme juste, ayant énormément de goût, et très, très près des jeunes. Oui. Les jeunes chanteurs avaient beaucoup de chance d'avoir Louis Betz à ce moment-là. Nous avons eu beaucoup de chance. Il n'y a plus de Louis Betz, c'est dommage pour les jeunes chanteurs. Bon, vous avez chanté après tout le répertoire, tout votre répertoire. Ah oui. Hein, à l'opéra comique, à l'opéra. À l'opéra. Mais pour quand même rester dans le domaine de l'opérette, qu'est-ce que vous avez fait en opérette ? Oh mon Dieu, j'ai chanté Marie des Mousquetaires, j'ai chanté Germaine des Cloches, j'ai chanté, j'ai chanté La Chaste Suzanne, Jacqueline, vous voyez. J'ai chanté Nadia de la Veuve. Et j'ai fait donc Le Pays du Sourire, ça j'en ai fait et refait. Beaucaire. La chanson gitane, La Duchesse de Berry. J'ai fait après La Chauve-Souris, Caroline, et même Arlette. J'ai chanté les deux. Et Paganini. J'ai chanté aussi Paganini, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Ben, on peut écouter Paganini, avec vous le chantez pour nous, avec Françoise Lara au piano. Avec plaisir. Maintenant, vous enseignez à Bordeaux et vous êtes souvent dans des jurys de concours dans les conservatoires oui, aussi. Oui. Alors, est-ce que vous trouvez de quoi assurer la relève? Est-ce que vous faites de bonnes moissons? Écoutez, là, je viens de faire un jury à Limoges et j'ai entendu une jeune chanteuse, 22 ans, extraordinaire. J'ai failli applaudir après sa performance. Et quand on applaudit dans un jury, quand on a envie d'applaudir dans un jury, ça, il doit y avoir quelque chose, hein. Cette fille, si Dieu le veut, va faire quelque chose de formidable. Et vous allez vous en occuper? Oh, moi non, je ne suis pas son professeur, elle a un très bon professeur. À Limoges. Elle est à Limoges, elle s'en va, elle va monter à Paris, je pense. Bon. Alors, elle s'appelle Nathalie Soumier. Ah, moi je la connais. Vous la connaissez? Écoutez, vraiment c'était superbe. Monique de Pondo, vous avez chanté des opérettes de Louis Betz? Nous avons fait avec mon mari... André Dran. Nous avons fait Moineau de Louis Betz, qui est une chose ravissante. Ah oui. Et en plus, à la classe, je donne beaucoup de mélodies de Louis Betz parce que je les trouve extraordinaires. Je trouve qu'elles sont ravissantes, elles sont pleines de charme et de tendresse et c'est bien écrit. Voilà. La marche attristée s'égare au fond d'un bois, dans la feuille agitée reconnais-tu ma voix, et dans la fontaine argentée crois-tu me voir quand tu te vois? Crois-tu me voir quand tu te vois? Qu'une rose s'effeuille en roulant sur tes pas, Si ta pitié l'accueille, dis, ne me plains-tu pas, et de ton sein qui la recueille, mon nom s'exhale-t-il tout bas. Mon nom s'exhale-t-il tout bas. Frémissante, l'eau qui parle en courant, la rose languissante qui te cherche en mourant. Prends-y garde, ô ma fille absente, c'est moi qui t'appelle en pleurant. C'est moi qui t'appelle. Il y a 40 ans, Christiane Castelli commençait à l'Opéra Comique une brillante carrière qui allait la mener à l'opéra, puis sur toutes les grandes scènes mondiales. Or, Christiane Castelli enseigne, elle aussi, au Conservatoire de Bordeaux. Elle nous dit deux mots sur l'opérette. Et comme elle a de l'humour, elle ne m'en voudra pas de rediffuser une chanson qui nous montre son éclectisme. Je n'avais pas tout à fait la voix pour chanter l'opérette, et je me suis tournée beaucoup plus résolument vers l'opéra et vers l'opéra comique. Mais vous me parlez du passé, et moi je voudrais vous parler de l'avenir. Et je pense que l'avenir, pour le chant et pour le chant français, pour qu'enfin les Français puissent chanter, c'est de privilégier l'opérette et la comédie musicale. Parce que je n'ai pas du tout envie que l'on parle champagne avec le Chianti. Et nous allons parler champagne. Nous sommes, dans l'opérette et dans la comédie musicale, inimitables. Alors il faut absolument privilégier, cette partie du chant, cette partie de compositeurs, de privilégier certains compositeurs qui ont créé des opéras comiques que l'on considère à tort comme des opérettes, qui sont de véritables petits opéras comiques, et dont l'esprit est totalement français, et qu'il n'y a que des Français qui puissent le chanter. Parce qu'à l'heure actuelle, étant donné que l'on permet et que l'on va rechercher des étrangers pour chanter même nos opéras français, l'opérette est juste mise à part. On n'a pas encore trouvé de Bulgares, d'Anglais ou de Moldovalaques qui viennent nous chanter notre opérette. Ce qu'il faut, c'est privilégier les voix pour cela et leur expliquer qu'on peut chanter aussi l'opérette avec de grandes voix. Et à partir du moment où le goût du public, grâce aux médias, et grâce à vous, monsieur, qui m'interrogez aujourd'hui, grâce aux journalistes, à tous ceux qui peuvent parler enfin du chant français, je vous assure qu'on va marquer des buts pour le chant français dans l'avenir. Voilà, moi, ce que je voulais vous dire et vous remercier de m'avoir permis de le faire. Je suis quelqu'un qui a peut-être des idées, qui suis entière. Ma carrière est malheureusement derrière moi, mais je suis chargée de former des jeunes et je ne veux pas former encore des chômeurs. Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur. Mon âme, et même la nuit, quand je rêve, c'est de lui, de mon âme. Ce n'est pas qu'il est beau, qu'il est riche ni costaud, mais je l'aime. Cet idiot, il me fout des coups, il me prend mes sous. Je suis à bout, mais malgré tout, que voulez-vous? Je l'ai tellement dans la peau, j'en deviens. s'approche, c'est fini. Je suis à lui. Quand ses yeux sur moi se posent, ça me rend toute chose. Je l'ai tellement dans la peau. Au moindre mot, il me ferait faire n'importe quoi. J'pirais ma foi. J'sens qu'il me rendrait infâme. Mais je ne suis qu'une femme et j'ai tellement dans la peau. There is a boy, quite a nicest anywhere. He is my man. He has fair curly hair, he is dressed loving care, and he's my man. We stand hand in hand, and we listen to the band till it's ending. When we meet on the seat, in the gardens or the street, it is splendid. He's a dandy, he's a dear. L'opérette C'est la fête par Jacques Rouchouz, réalisation Nathalie Trianda, première diffusion sur France Culture le 12 août 1986.